Qu'est-ce que c'est que ça? On te l'a déjà dit. Non, mais tu n'as rien compris. Ah, tu ne vaux rien, rien, rien, rien. Qu'un crétin. Oh, oh, qu'un abruti. Tu n'as rien compris, on te l'a déjà dit. Non, mais tu ne veux rien, non, rien de rien. Non, tu ne veux rien, non, rien de rien. Oui, tu ne veux rien, on te l'a déjà dit. Non, mais tu n'as rien compris. Oh, tu n'es qu'un crétin, t'es qu'un abruti. Non, mais tu ne veux rien. Alléluia! Tu n'es qu'un crétin. Alléluia, tu ne vaux rien, tu n'es qu'un crétin, tu ne vaux rien, tu n'es qu'un crétin, tu ne vaux rien, tu n'es qu'un abruti, on te l'a déjà dit, non mais tu ne vaux rien, tu n'es qu'un abruti, on te l'a déjà dit. Non mais t'as rien compris. Oh oh oh. Non mais tu n'es qu'un abruti, on te l'a déjà dit. Non mais tu ne veux rien. Hey, tu ne veux rien. Oh, oh, oh. Ouais, tu ne veux rien, tu n'es qu'un crétin. Oh, oh, oh, oh, oh. C'est qu'un abruti, on te l'a déjà dit. Non mais tu n'as rien compris. Yeah, yeah. Ouais, tu n'es qu'un crétin. Oh, mais t'es qu'un abruti, ouais, ouais, ouais. Oh, tu n'as rien compris, ah oui, tu n'es qu'un crétin. Non, mais tu ne vaux rien, t'es qu'un abruti, on te l'a déjà dit. Non, mais tu n'as rien compris, on va arrêter là. Car est-ce que t'as pris ton assurance vie? Hein? Pourquoi pas? Tu n'es qu'un crétin, ouais, tu ne vaux rien. Ouais, tu n'es qu'un crétin, ouais, tu ne vaux rien. On te l'a déjà dit, non mais t'as rien compris, non mais t'as rien compris. Ouais, t'es un abruti. Yeah.